Quoi ? C'est l'épreuve de la mort subite. Ah, alors, allons-y. Donc, l'épreuve de la mort subite, c'est un ni oui ni non, en une minute. D'accord. Et donc, ce sont les invités. Ce sont les... Tu ne parles pas, Maurice, je t'interdis d'ouvrir la bouche. Et c'est ce que je vais faire. Alors, Maurice, top chrono. Allez. Alors, Maurice, ton micro marche, c'est bon ? Peut-être. Non, mais dans le micro, Maurice, s'il te plaît. Peut-être. Attends, tu sais comment ça marche, un micro, quand même. Oui. Mais c'est pas vrai.